Vas-y, je vais faire une blague. C'est une blague pour mon petit frère parce que c'est lui qui me l'a appris. Ah, oui, il a gagné. Alors, attends. Il y a 3 poussins sur une table. Des petits poussins jaunes. Hein. Ah merde. Bon, je l'ai fait quand même. Il va se taire le salaud là-haut. Il y a 3 poussins sur une table. On en veut que 2. Qu'est-ce qu'on fait? On en poussin! Vous êtes trop fort, de toute façon. Moi, je suis lamentable.